Today, 23rd of February, year 2015. More than our retreat is more than 10 days already. So we are the whole day practicing, seeing, observing to understand. That is the true nature of our phenomena. Coming, we are every day talking Dhamma talk. Now Badani nga Dhamma. Nous sommes aujourd'hui le 23 février 2015. Nous avons dépassé 10 jours de retraite. Pendant toute la journée, les yogis pratiquent, ils observent dans le but de comprendre les choses telles qu'elles sont réellement, de réaliser la véritable nature des phénomènes. Et chaque jour, ils reçoivent un enseignement sur le Dhamma. Hier, nous avons parlé des 5 facteurs que sont Saddha, la confiance, la santé, l'honnêteté, l'obéissance, la sincérité, l'effort héroïque et enfin la sagesse. C'est de ce 5e facteur, la sagesse, dont nous parlerons ce soir. La sagesse se dit Panya en Pali et sagesse, Panya veut dire expérimenter et comprendre en détail. Quel que soit le travail qu'on entreprend dans le domaine mondain, il faudra toujours observer et noter en détail si on veut comprendre en profondeur. Ici, nous pratiquons Vipassana et c'est la sagesse Vipassana que nous essayons de développer. C'est également une compréhension qui n'est pas ordinaire. C'est une compréhension spéciale, extraordinaire. C'est cela la signification de sagesse. Prenons un exemple. Dans le monde, imaginons quelqu'un qui voit de l'eau. Il comprend que c'est de l'eau. Ce type de connaissance, c'est une connaissance ordinaire. Mais l'étudiant qui, dans son laboratoire, découvre que cette eau est composée de certains éléments, de l'hydrogène avec de l'oxygène, comprend plus en profondeur. C'est une connaissance qui est plus profonde que la connaissance ordinaire. C'est déjà une espèce de sagesse, pourrait-on dire. La sagesse vipassana, c'est donc une recherche à propos de nous-mêmes, c'est une compréhension profonde à propos de nous-mêmes. Dans la vie de tous les jours, les personnes qui ne méditent pas comprennent également les choses, mais à un niveau beaucoup plus apparent et grossier. Ils comprennent des concepts. Et comprendre les concepts, c'est facile. C'est une connaissance qui est très facile, qui est très naturelle. Mais la connaissance que le yogi va développer au cours de sa pratique, c'est une investigation plus profonde et plus détaillée de son corps et de son esprit. Il va réaliser dans le corps les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. En une heure de pratique, le yogi peut réaliser les éléments à l'intérieur de lui. Parfois, il se sentira subitement très chaud, ou au contraire, il sentira du froid. Il expérimente alors l'élément feu. Dans la vie de tous les jours, on peut également se sentir chaud ou au contraire froid, mais à un niveau plus grossier. Parfois, le méditant qui est en train de pratiquer va ressentir du mouvement, des tensions, des poussées, des tiraillements. Tout cela, c'est l'élément air. Il expérimente l'élément air. La compréhension du méditant n'est donc pas à comparer avec la compréhension des personnes ordinaires. Ici, au cours de sa pratique, le méditant essaye de développer la compréhension vipassana. Parfois, Ce méditant qui pratique va réaliser de la dureté ou au contraire de la douceur quelque part dans son corps. Il expérimente alors l'élémentaire. Lorsqu'il pratique la marche et qu'il fait trois notes à chaque pas, il observe de façon très pénétrante au niveau des pieds et lorsque son pied s'élève, il expérimente la légèreté. Il peut également expérimenter l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre lorsqu'il pratique la marche. Et s'il le fait, s'il s'efforce de pratiquer ainsi, c'est justement pour développer cette sagesse vipassana. La définition de panya à la sagesse, c'est donc comprendre en détail. Et ce que l'on va comprendre en détail, c'est la vie. Nous devrons comprendre en quoi consistent réellement le corps et l'esprit. Nous devrons également étudier notre esprit. Nous devrons étudier les sensations, nous devrons étudier la conscience elle-même, nous devrons étudier les perceptions, les activités évolutionnelles. Tout cela, ce sont donc des phénomènes mentaux. La compréhension du yogi est une compréhension profonde. Il observe et comprend en détail. Ce n'est pas la même compréhension que celle des personnes ordinaires qui, eux, ne voient que des concepts. L'esprit est ce qui expérimente. Le méditant va essayer de voir quelle est la fonction de l'esprit, quelle est la cause immédiate, et il fera la même chose lorsqu'il étudiera la perception. Le yogi développe donc une compréhension profonde expérimentale. C'est la sagesse panya. Plus on voit, plus on comprend. Si on ne voit pas, si on ne sait pas ce que l'on fait, non seulement on n'aura pas la compréhension, mais en plus de cela, c'est dangereux. Il y a trois sortes de compréhension. La première compréhension, c'est celle qui nous vient des lectures, de l'écoute d'enseignements, des discussions. C'est une connaissance livresque. En pali, on l'appelle sutta-maya-jnana. La deuxième connaissance, c'est la connaissance qui nous vient de l'analyse logique. Est-ce possible? Est-ce logique? Nous essayons de comprendre intellectuellement. C'est chintamaya-jnana. Cette deuxième connaissance est nécessaire. Il faut analyser ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu, et finalement être convaincu de la valabilité de ces choses. Nous serons alors satisfaits et nous pourrons passer au troisième niveau de compréhension, c'est-à-dire la compréhension expérimentale. La première connaissance, celle qui nous vient des livres ou des enseignements, n'a pas la capacité d'éliminer les doutes. Seule la troisième, l'expérimentation, que l'on appelle en pali Bhavanamaya-jnana, cette troisième expérience, cette troisième compréhension est la seule qui va pouvoir éliminer les doutes. C'est une compréhension de première main. Elle nous vient de notre pratique elle-même. Elle ne vient pas de l'extérieur. Cette troisième connaissance, Bhavanamaya-jnana, doit donc être développée et elle doit atteindre des niveaux avancés. Nous détiendrons alors une connaissance tout à fait spéciale. Il faudra donc s'efforcer de développer cette troisième connaissance, Bhavanamaya-jnana, autrement dit, celle qui s'acquiert par la pratique, par la méditation. Mais au début, ce n'est pas possible de faire surgir cette troisième sorte de connaissance. Il faut pour cela qu'on pratique longtemps, pendant des années. C'est alors seulement que cette connaissance va pouvoir commencer à se développer. Et pendant toutes ces années de pratique, il faudra fournir un effort constant pour être attentif, concentré. C'est un entraînement qui devra se faire régulièrement et souvent. En fait, comprendre les choses en détail est très difficile. Étudier la vie est quelque chose de très difficile. C'est très difficile de faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. On parle toujours de cet ensemble de phénomènes en termes de « je ». Mais où est-il ce jeu? Est-il dans le corps? Est-il dans l'esprit? Je vous ai déjà expliqué que l'esprit n'existe pas dans le corps. Mais comment comprendre cet esprit en détail, en profondeur? C'est très difficile. Sans vipassana, il ne sera pas moyen d'y arriver. Il n'y aura pas moyen d'y arriver. Vous connaissez les cinq agrégats, les cinq khandhas. Le premier, c'est rupa, le corps physique. Le deuxième, c'est vedana, la sensation. Le troisième, c'est sanya, la perception, la mémoire. Le quatrième, c'est sankhara, les actions volitionnelles, le désir de faire ceci ou cela. Et enfin, vijnana, le fait de savoir, la conscience. Il y a donc ces trois différentes connaissances, la connaissance qui s'acquiert par la lecture, par l'écoute d'enseignement, sutta maya jnana. Ce n'est pas très difficile d'acquérir ce premier type de connaissance. Pour développer bhavana maya jnana, la connaissance expérimentale, il sera nécessaire dans un premier temps de développer cette première connaissance, Sutamaya Jnana. Comment pourrions-nous comprendre la réalité du corps et de l'esprit? C'est très difficile. Nous devons avoir au départ une certaine connaissance théorique et ensuite pratiquer pour comprendre en profondeur. Imaginons par exemple qu'on mélange de l'eau de provenance différente. Cette eau de provenance différente se trouve donc dans le verre. Comment pourrions-nous reconnaître que telle partie de l'eau vient de tel endroit, que telle autre partie d'un autre endroit? Comment serait-il possible de reconnaître ces différentes qualités d'eau? Un autre exemple, c'est celui du jus de fruits. Le jus de fruits, une fois que ces fruits sont mélangés, il devient impossible de reconnaître quelle est la part de pomme, quelle est la part d'orange, quelle est la part de citron. C'est très difficile d'y arriver. Celui qui, avant de mélanger ses fruits, sait clairement que ceci c'est de l'orange, ceci c'est du citron, ceci c'est de la pomme, il voit clairement ces différents fruits, les mélange, mais une fois mélangé, il n'est plus capable de faire la différence entre ces fruits. Il faudra donc que nous développions la méditation vipassana. Au cours de notre pratique de vipassana, nous allons constater que notre esprit est très agité à l'état naturel. Il faudra donc commencer par développer l'attention, la concentration et l'effort. Il faudra essayer de calmer cet esprit sauvage. Il faudra, pour y arriver, s'efforcer de rester le plus longtemps possible sur l'objet. C'est de cette façon que notre concentration et notre attention vont se développer. Tant que l'attention et la concentration seront faibles, il ne sera pas possible de comprendre en profondeur les phénomènes que nous observons. Nous ne verrons pas qu'ils apparaissent et disparaissent constamment. Nous ne verrons pas qu'ils se dissolvent à chaque instant. Il est très important de réussir à comprendre en détail comment ces phénomènes apparaissent et disparaissent constamment, qu'ils changent sans arrêt. Mais cette compréhension expérimentale doit obligatoirement être précédée de la concentration. Si la concentration n'est pas forte, il ne sera pas possible de développer ce troisième type de compréhension. Si nous voulons réussir à atteindre l'illumination, il faudra voir clairement les apparitions et disparitions des phénomènes, voir que les phénomènes à l'intérieur de nous changent constamment. À chaque instant, ces phénomènes changent à l'intérieur de nous. Il faudra réussir à voir les caractéristiques individuelles des phénomènes et les caractéristiques communes des phénomènes. Les caractéristiques individuelles des phénomènes se disent en pali sabhava lakana, caractéristiques individuelles. Par exemple, le méditant expérimente de la chaleur dans son corps. Cette chaleur, c'est l'élément feu. Il expérimente du mouvement, c'est l'élément air. Il expérimente ainsi les caractéristiques individuelles de certains phénomènes. Parfois, ces caractéristiques individuelles seront très claires. Il faut que le méditant ait réussi à voir les caractéristiques individuelles des phénomènes pour voir les caractéristiques communes. Et les caractéristiques communes sont anicca, dukkha et anatta. Il faudra donc que ces deux types de caractéristiques, les individuelles et les communes, soient réalisées par expérience directe dans la méditation, si on veut atteindre l'illumination. Mais si nos esprits sont confus, ce sera difficile de développer cette compréhension. À l'intérieur de nous, il n'y a que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. En pali, on dit « nama », ce sont les phénomènes mentaux, « rupa », c'est la matière. Il n'y a que cela, ces deux choses. Et ces deux choses sont en interrelation. Nous devrons observer et réaliser tout cela par expérience directe dans notre propre corps et notre propre esprit. Nous détiendrons alors la première connaissance vipassana, c'est la connaissance de base appelée en pali nama rupa paricheda jnana. Cette première connaissance est très importante pour le yogi. Le Bouddha nous donne cinq façons de pratiquer pour que nous puissions développer rapidement cette compréhension. La première méthode que propose le Bouddha, c'est le fait de méditer longuement de façon à voir les objets clairement. Ceci veut dire qu'il faudra observer pendant longtemps, mais cela ne veut pas dire rester assis pendant des heures d'affilée, car la méditation vipassana ne se pratique pas qu'en posture assise, elle se pratique également en posture en marche et dans les activités quotidiennes. Tout au long de la journée, il faut pratiquer et observer toutes les activités qu'on est amené à faire. La deuxième méthode que propose le Bouddha, c'est de pratiquer sans interruption. Ceci veut dire que l'esprit devrait être maintenu sans interruption sur l'objet. Il faudra éviter qu'il ne vagabonde, il faudra le dompter, l'entraîner et réussir à le contrôler. Il faut donc pratiquer de façon continue. La troisième méthode que propose le Bouddha, c'est d'observer et de pratiquer de façon complète. Complète veut dire qu'il faudra aller jusqu'au bout de son engagement. Il faudra se montrer patient et ne pas abandonner en cours de route. Il faudra pratiquer éventuellement jusqu'à ce qu'on ait atteint l'état d'arhat. Mais on peut le voir plus simplement également et se dire par exemple qu'on s'est engagé à rester assis pendant une heure sans bouger et il faudra essayer d'y arriver. Il faudra travailler avec détermination. Si on s'engage à participer à la retraite pendant un mois, il faudra rester dans le centre de méditation même s'il y a des difficultés. C'est la signification de cette troisième méthode. Pratiquer de façon complète. Si on le fait, on réussira à développer très rapidement la compréhension. La quatrième façon de pratiquer, recommandée par le Bouddha, c'est de le faire de façon respectueuse. Ceci veut dire qu'il faudra avoir une attitude mentale correcte. Il faudra comprendre que le travail dans lequel nous nous sommes engagés, le travail de la méditation, est très important et mérite le respect. Toutes les connaissances, toutes les énergies peuvent nous amener beaucoup de bénéfices dans la vie. Ici, la connaissance que nous allons développer, c'est une connaissance profonde et elle nous sera particulièrement utile. La cinquième méthode que propose le Bouddha, c'est de prendre plaisir à la méditation, avoir de l'intérêt pour la pratique. Bien sûr, le méditant qui débute se demande comment il serait possible d'aimer cette pratique qui nous fait tant souffrir. Il y a énormément de douleurs. Mais il faudra développer cette pratique, s'entraîner, jusqu'à ce que le corps et l'esprit soient en harmonie. Dès qu'on a du temps libre, il faudrait idéalement qu'on pense à méditer. La méditation devrait devenir notre plus cher ami. Si nous avons cet état d'esprit-là, nous pourrons progresser très vite et atteindre l'illumination. Donc, si vous voulez atteindre vite le but, vous devez essayer de mettre ces cinq méthodes en application. So we stop here because the time enough. So wish you all, may you all be able to get the until higher wisdom, apply all these kind of methods, and keep on practicing to develop our meditation to free from all suffering. Sadhu, sadhu, sadhu. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Puissiez-vous tous être capables de développer rapidement la compréhension. Puissiez-vous tous adopter ces cinq méthodes et vous libérer de la souffrance.